Bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour les coups de cœur d'Aurélien, le lundi, 8h-13h30 sur Radio Guimauze. Donc cette semaine, je ne vais pas vous présenter un des coups de cœur, mais deux, puisque je lis beaucoup plus que ce que je ne présente. Du coup, je loupe plein de super livres à vous présenter, et d'autres choses d'ailleurs, de musique et tout. Donc je décide de vous en présenter un petit peu plus cette semaine. Donc mon premier coup de cœur est un manga qui se nomme Dear Stone, donc Monsieur Pierre. Le scénario est de Rishiro Inagaki et le dessin de Boishi. Ils sont aussi édités aux éditions Glénat. Donc pour tous ceux qui déjà aiment la science ou voudraient apprendre des noms bien compliqués, ce manga est fait pour vous, car c'est un manga de science-fiction, mais il y a une très grande part de science et de mots compliqués. Donc si vous aimez ça, vous allez être servi là déjà. Donc je vais essayer de vous raconter un petit peu ce tome 1, parce que pour l'instant il n'y a que deux tomes de sortie. Donc vous raconter un petit peu le tome 1 pour vous donner envie de le lire. Alors du coup c'est Taiju, un adolescent, quand le livre commence, il veut aller déclarer sa flamme à une fille qu'il aime. Bref, voilà quoi, un début on se dit ouais bon ça va être un truc d'amour. Et puis d'un coup, pouf, tout le monde est transformé en pierre, comme ça. Et des milliers d'années plus tard, Taiju et comment il s'appelle, Senku, se réveillent. En premier Senku et ensuite Taiju. Et ils décident de reconstruire le monde, en sachant que quand même, Senku est un scientifique, on peut dire, même s'il n'a que 15-16 ans, est déjà un scientifique hors pair. Donc ils décident de reconstruire l'être humain. Mais au bout de 6 mois, ils arrivent à trouver un remède pour, comment pourrait-on dire ça, enlever le piège qui s'est abattu sur l'humanité, donc la pierre. Et ils se font attaquer par une horde de lions. Et oui, en plusieurs milliers d'années, les lions ne sont plus habitués à voir des humains. Du coup, ils se demandent c'est quoi de ces bébêtes. Donc ils attaquent nos deux héros. Donc nos deux héros sont contraints de parce qu'en fait, ils avaient une potion pour libérer une seule personne, malheureusement. Donc au début, ils voulaient libérer une fille. Maintenant, on voulait le résumé du manga. Donc, Taiju, un lycéen de Tokyo, est un jour victime d'un phénomène mystérieux. En une fraction de seconde, l'humanité entière est transformée en pierre. Des milliers d'années plus tard, à son réveil, il décide de rebâtir la civilisation à partir de zéro avec son ami Senku. Boum. Donc c'est, comme vous pouvez le constater, rien qu'au résumé, c'est déjà de la science-fiction. Déjà, et c'est un manga que je vous conseille très fortement, car bon, déjà c'est de la science-fiction, donc c'est un bon roman de science-fiction, un bon manga de science-fiction. Bref, Dr. Stone est un très bon manga que je vous conseille très très fortement, c'est de la science-fiction. La date de sortie du tome 2, du tome 3 est le 3 octobre 2018, ouais, avec des 3, donc c'est incroyable. Donc évidemment, le manga est japonais, hein, donc eux, ils ont de la chance, il y a déjà les 6 premiers tomes qui sont sortis. Et le tome 7 sort le 4 septembre. Le tome 7 sort le 4 septembre 2018. Donc ils ont un peu d'avance sur nous, c'est leur chance, eux. Voilà, voilà. Donc c'était mon premier coup de cœur, déjà. Donc je vais maintenant vous parler de mon deuxième coup de cœur, qui est Ceux des Limbes. Donc ce coup-ci, c'est un roman de science-fiction, encore une fois. Il est écrit par Camille Brissot et il est édité chez Skyros. Donc l'autrice est français, comme Camille c'est voilà, français. Après voilà. Et en fait, quand j'ai lu ce livre aussi, petit aparté, j'ai direct pensé à un jeu vidéo. Si jamais un jour vous le lisez, ça vous y fera penser peut-être à The Last of Us. Vous comprendrez pourquoi quand je vous raconterai. Donc je vais vous lire le résumé, vous comprendrez peut-être. Du haut du mont Survie, Otto admire chaque jour la forêt qui l'encercle à perte de vue. Elle est si belle qu'il en oublierait presque ce qui se tapit sous les arbres. Mais lorsque la montagne s'endort, que les lumières s'éteignent et que les voix s'effacent, le vent résonne d'un chant inhumain, effroyable. Le gémissement des limbes, les victimes de l'épidémie. Bientôt, Naa devra passer plusieurs jours et plusieurs nuits dans la forêt. Otto refuse de rester cloîtré en espérant le retour de celle qu'il aime le plus que tout. Quitte à être une proie de plus, il va sortir lui aussi. La forêt est devenue le territoire des limbes. Le risque de contamination se cache dans chaque zone d'ombre. Préparez-vous à vivre une expédition sous haute tension. En fait, le délire de l'histoire, c'est un peu comme beaucoup de livres que j'ai en ce moment. C'est boum, grosse pandémie, l'humanité s'est exterminée. à cause d'un virus quelconque. Là, c'est une sorte de champignon qui délivre des spores et qui contamine le cerveau, donc un peu la The Last of Us, comme je le disais avant. Et c'est un style, comment dire, l'idée de base déjà est une idée que j'aime bien, donc j'ai voulu ouvrir le livre. Et après, j'avoue que le style d'écriture le style d'écriture de l'autrice, c'est très bien. Moi, je le trouve bien. C'est en fait, nous sommes dans la tête d'Otto, donc du héros. On a ses pensées, c'est tout ce qu'il pense et tout. Donc c'est un roman pour adolescents, hein, que je conseille très très fortement. Pas en dessous de 12 ans, par contre, il y a quand même deux trois petites, tout petits détails, mais qui pourraient quand même déconvenir des enfants trop petits. Hein, mais rien de faramineux. Voilà. Et après, certains se demanderont peut-être pourquoi est-ce que je dis jamais pourquoi je n'ai pas aimé, qu'est-ce que je déteste dans les livres. Mais en fait, généralement, quand je vous présente un livre, c'est parce que je l'ai aimé genre à 100% presque. Du coup, il est quand même rare qu'il y ait des points que je n'aime pas trop. C'est pour ça que si certains se demandaient, je réponds à la question ne m'a jamais posée d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. Bon. Bien, je vous souhaite une bonne semaine, c'était tout pour moi. À la semaine prochaine.